Activité 15. 1. Allô? Je veux parler au responsable. J'attends ma livraison depuis 8 heures ce matin. C'est inadmissible. 2. Tu ne peux pas venir à ma soirée? Comme c'est dommage. 3. Comment? Il est déjà directeur du magasin à son âge? 4. Je vous ai déjà dit 100 fois d'éteindre vos téléphones pendant le cours. 5. C'est super de se déplacer à vélo sur ces nouvelles pistes cyclables.